Chapitre 3e. Lorsque Margot monta en diligence à Chartres, l'idée de faire 20 lieues et de voir Paris la bouleversait à tel point qu'elle en avait perdu le boire et le manger. Toute désolée qu'elle était de quitter son pays, elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse, et elle avait si souvent entendu parler de Paris comme d'une merveille qu'elle avait peine à s'imaginer qu'elle allait voir de ses yeux une si belle ville. Parmi ses compagnons de route se trouva un commis voyageur qui, selon les habitudes du métier, ne manqua pas de bavarder. Margot l'écoutait faire ses comptes avec une attention religieuse. Au peu de questions qu'elle hasarda, il vit combien elle était novice, et renchérissant sur lui-même, il fit de la capitale un portrait si extravagant et si empoulé qu'on aurait su à l'entendre s'il s'agissait de Paris ou de Pékin. Margot n'avait garde de le reprendre, et pour lui, il n'était pas homme à s'arrêter à la pensée qu'au premier pas qu'elle ferait, elle verrait qu'il avait menti. C'est en quoi on ne peut trop admirer le suprême attrait de la forfanterie. Je me souviens qu'allant en Italie, il m'en arriva autant qu'à Margot. Un de mes compagnons de voyage me fit une description de Gênes que j'allais voir. Il montait sur le bateau qui nous conduisait, il montait en vue de la ville, et il montait encore dans le port. Les voitures qui viennent de Chartres entrent à Paris par les Champs-Élysées. Je laisse à penser l'admiration d'une Beauceronne à l'aspect de cette magnifique entrée qui n'a pas sa pareille au monde et qu'on dirait faite pour recevoir un héros triomphant, maître du reste de l'univers. Les tranquilles et étroites rues du Marais parurent ensuite bien tristes à Margot. Cependant, quand son fiacre s'arrêta devant la porte de Madame de Radour, la belle apparence de la maison l'enchanta. Elle souleva le marteau d'une main tremblante et frappa avec une crainte mêlée de plaisir. Madame de Radour attendait sa filleule, elle la reçut à bras ouverts, lui fit 1000 caresses, l'appela sa fille, l'installa dans une bergère et lui fit d'abord donner à souper. Étourdie du bruit de la route, Margot regardait les tapisseries, les lambris et les meubles dorés, mais surtout les belles glaces qui décoraient le salon. Elle, qui ne s'était jamais coiffée que dans le miroir à barbe de son père, il lui semblait charmant et prodigieux de voir son image répétée autour d'elle de tant de manières différentes. Le ton délicat et poli de sa marraine, ses expressions nobles et réservées, lui faisaient aussi une grande impression. Le costume même de la bonne dame, son ample robe de poudre-soie à fleurs, son grand bonnet et ses cheveux poudrés, donnaient à penser à Margot et lui faisaient voir qu'elle se trouvait en face d'un être particulier. Comme elle avait l'esprit prompt et facile, et en même temps se penchant à l'imitation qui est naturelle aux enfants, elle n'eut pas plus tôt causé une heure avec Madame de Radour qu'elle essaya de se modeler sur elle. Elle se redressa, rajusta sa cornette et appela à son secours tout ce qu'elle savait de grammaire. Malheureusement, un peu de fort bon vin que sa marraine lui avait fait boire pur pour réparer la fatigue du voyage avait embrouillé ses idées. Ses paupières se fermaient. Madame de Radour la prit par la main et la conduisit dans une belle chambre. Après quoi, l'ayant embrassée de nouveau, elle lui souhaita une bonne nuit et se retira. Presque aussitôt, on frappa à la porte. Une femme de chambre entra, débarrassa Margot de son châle et de son bonnet et se mit à genoux pour la déchausser. Margot dormait tout debout et se laissait faire. Ce ne fut que lorsqu'on lui ôta sa chemise qu'elle s'aperçut qu'on la déshabillait. Et sans réfléchir qu'elle était toute nue, elle fit un grand salut à sa femme de chambre. Elle expédia ensuite sa prière du soir et se mit promptement au lit. À la lueur de sa veilleuse, elle vit que sa chambre avait aussi des meubles dorés et qu'il s'y trouvait une de ces magnifiques glaces qui lui tenait si fort au cœur. Au-dessus de cette glace était un trumeau, et les petits amours qui y étaient sculptés lui parurent autant de bon génie qu'il l'invitait à se mirer. Elle se promit bien de n'y pas manquer, et bercée par les plus doux songes, elle s'endormit délicieusement. On se lève de bonne heure au champ. Notre petite campagnarde s'éveilla le lendemain avec les oiseaux. Elle se mit sur son séant, et apercevant dans sa chair glace son joli minois chiffonné, elle s'honora d'un gracieux sourire. La femme de chambre reparut bientôt et demanda respectueusement si mademoiselle voulait prendre un bain. En même temps, elle lui posa sur les épaules une robe de flanelle écarlate qui parut à Margot la pourpre d'un roi. La salle de bain de Madame de Radour était un réduit plus mondain qu'il n'appartient à un bain de dévote. Elle avait été construite sous Louis XV. La baignoire, exhaussée sur une estrade, était placée dans un cintre de stuc encadré de roses dorées, et les inévitables amours foisonnaient autour du plafond. Sur le panneau posé à l'estrade, on voyait une copie des baigneuses de Boucher, copie faite peut-être par Boucher lui-même. Une guirlande de fleurs se jouait sur le lambris. Un tapis moelleux couvrait le parquet, un rideau de soie, galamment retroussé, laissait pénétrer à travers la persienne un demi-jour mystérieux. Il va sans dire que tout ce luxe était un peu fané par le temps et que les dorures avaient vieilli. Mais par cette raison même, on s'y plaisait mieux et on y sentait comme un reste de parfum de ces 60 années de folie où régna le roi bien-aimé. Margot, seule dans cette salle, s'approcha timidement de l'estrade. Elle examina d'abord les griffons dorés placés de chaque côté de la baignoire. Elle n'osait entrer dans l'eau qui lui semblait devoir, pour le moins, être de l'eau de rose. Elle y fourra doucement une jambe, puis l'autre, puis elle resta debout en contemplation devant le panneau. Elle n'était pas connaisseuse en peinture. Les nymphes de Boucher lui parurent des déesses. Elle n'imaginait pas que de pareilles femmes puissent exister sur la terre, qu'on pût manger avec des mains si blanches, ni marcher avec de si petits pieds. Que n'eût-elle pas donné pour être aussi belle? Elle ne se doutait pas qu'avec ses mains hâlées, elle valait 100 fois mieux que ses poupées. Un léger mouvement du rideau l'attira de sa distraction. Elle frémit à l'idée d'être surprise ainsi et se plongea dans l'eau jusqu'au cou. Un sentiment de mollesse et de bien-être ne tarda pas à s'emparer d'elle. Elle commença, comme font les enfants, par jouer dans l'eau avec le coin de son peignoir. Elle s'amusa ensuite à compter les fleurs et les rosaces de la chambre. Puis elle examina les petits amours, mais leur gros ventre lui déplaisait. Elle appuya sa tête sur le bord de la baignoire et regarda par la fenêtre entrouverte. La salle de bain était au rez-de-chaussée et la fenêtre donnait sur le jardin. Ce n'était pas, comme on le pense bien, un jardin anglais, mais un antique jardin à la mode française qui en vaut bien une autre. De belles allées sablées bordées de buis, de grands parterres brillants de couleurs bien assorties, de jolies statues d'espace en espace et dans le fond un labyrinthe en charmille. Margot regardait le labyrinthe dont la sombre entrée la faisait rêver. La cligne musette lui revenait en mémoire et elle pensait que dans les détours de la charmille il devait y avoir de bonnes cachettes. Un beau jeune homme en costume de hussard sortit en ce moment du labyrinthe et se dirigea vers la maison. Après avoir traversé le parterre, il passa si près de la fenêtre de la salle de bain que son cou débranla la persienne. Margot ne put retenir un léger cri que la frayeur lui arracha. Le jeune homme s'arrêta, ouvrit la persienne et avança la tête. Il aperçut Margot dans son bain et, quoique hussard, il rougit. Margot rougit aussi et le jeune homme s'éloigna.